le moment s'invite à nous. Merci, monsieur. Il ferme la porte, c'est quand même gentil, là, parce que les courants d'air, hein, à cette heure-ci, là, c'est... Mais c'est très doux à l'extérieur. Je sais pas si vous avez la chance de pouvoir vous planter le nez pour en humecter la chaleur. Oui. Mais ça s'humecte pas, la chaleur, mais enfin. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, c'est ce qu'on dit. Pas un élan rénaldien, mais que le nez ne s'humecte pas. Mais on dirait que les pitous, eux, l'ont autrement. En tout cas, chacun ses problèmes. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec un fil Ariane, comme toujours, ce fil qui nous poursuit sans aise depuis le début. La lenteur accélère la nervosité, j'allais dire la névrose. Quoique névrose, nervosité, on n'est pas loin, hein. Il y a les gens qui ont peur de s'énerver, ça devient peut-être une névrose. Alors donc, la lenteur accélère la nervosité de notre société, bien endoctrinée dans son rêve éveillé. Y en a-tu des rêves réveillés? Plus tu rêves, moins tu dors. Parce qu'aujourd'hui, on dort moins, je veux dire, on rêve moins quand on dort. C'est peut-être qu'avec les tu sais, la petite boîte là qui diffuse des images là, on appelle ça une TV. Ben la TV, elle n'est pas des nerfs, non. C'est pas du pré-cuit. Quoi que c'est presque du pré-cuit, ouais. Effectivement, c'est la même saveur du pré-digéré. Alors donc, la lenteur, plus t'es lent, hein, plus ça s'accélère, plus tu deviens anxieux parce que tu voudrais que ça roule plus. Pis tu peux pas, parce que ton cerveau fonctionne pas de même. Ben, surtout le tien. Ben, voyons, non, tu parles pour toi, mais... moi, c'est le contraire, oui. Moi, il faut que je mette des freins. Oui, voyons, donc, de la misère à pédaler, commences-tu avec les pieds, les freins? Non, avec la tête. Oh, ben, c'est pour ça que t'as le cuir chevelu passablement dégarni. Ben, voyons, c'est certain. Essaye de te freiner avec 2-3 poils de cheveux en haut du caillou. Ouais, c'est vrai que ça arrache. Ça arrache la moelle épinière, puis... excuse-moi, là, mais la moelle épinière, là, c'est en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Dans le sens, dans le dos. Ah, dans le dos, oh! OK, alors donc, c'est quoi? Ben, c'est la calotte glaciaire. Ouais, ben la tienne est pas mal glaciaire, oui. À glastro. À gastro, voyons donc, toi, j'ai pas des bourdonnements dans le ventre. J'ai pas dit gastro. Tu dis n'importe quoi, là, t'es trop lent. Accélère davantage. Alors, tu verras que la nervosité de notre société sera bien endoctrinée. Puis là, ça c'est vrai. Il n'y a rien de mieux que la publicité pour nous faire croire ça. Ben oui, tu regardes la télévision, puis là, les gens arrivent au magasin, puis disent, hey, vous savez, là, le produit qu'on annonce, là, à TV, là, tu te dis, oui, OK, moi, j'écoute pas la TV depuis 15 ans, je sais pas ce que tu veux dire. Mais oui, le bonhomme perd la tête. Ben, ouais, je pense que vous l'avez écouté, parce qu'il y en a plus, là, sur vos épaules. Ben, voyons, hey, ça coûte 19,97. Ben, voyons donc, oui. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ben oui! Voyons donc, ça nettoie en dessous du lit. Ben ouais, on appelle ça une vadrouille. Non, ben elle dit pas ça de même. Il y a des amis qui lui amènent ça comme cadeau. Ben voyons donc, amener une vadrouille, tu parles. Ça doit être une sorcière. Ben voyons, j'ai essayé puis ça monte pas avec ça. Ah, vous l'avez mis entre les deux. Ben voyons. On essaye, mais on s'élève pas. C'est à force de courir qu'à un moment donné, là, moi, je reste au troisième étage. Hein, je cours, puis là, oh, j'ai plus rien, puis je dis, en bas, monsieur, ça fait 3 mops que je me jette. Fait que là, ça vous coûte cher. C'est pour ça que vous voulez avoir un lot de mops. Non, j'en veux pas de lot de mops, là. Je veux la publicité à TV. Mais j'écoute pas ça à TV. Comment vous appelez ça? Ben, ça nettoie les planchers. Ben, si ça nettoie les planchers, c'est pas autre chose que ça. À quatre pattes? Mais non, mais une mop à quatre pattes, c'est plus une mop, ça, là, ça s'appelle une vadrouille. Ah, une vadrouille, c'est pas cher, parce que j'ai des chiffons à 99 cents. Ouais, ben là, ça doit faire juste 3 pieds carrés, ça. Ben là, ça dépend si vous frottez fort, mais si vous frottez pas fort, comme vous avez pas l'air très très fort, ça nettoiera pas. Ouais, si je passe nu pied avec des bas sur le... Ah, ben là, si vous avez des bas, ça risque de nettoyer tout seul. Mettez des bas blancs, vous allez voir le résultat en dessous. Ah, bon, cirer aussi, ben cirer des bas noirs, c'est mieux, hein. Pourquoi? Ben parce que tu vois pas, tandis que le blanc, c'est très visible. Ouais. Ça vaut-tu la peine de l'acheter? Ben voyons, hey, en plus, on t'en spécial, mon frère monsieur. Ah, ben je vais en acheter 2 paires. Ben, c'est une bonne idée, ça. Vous êtes intelligent, des fois. Ça paraît pas, là, mais ben là, est-ce que ça se voit? Ben, j'essaye de voir si la platine veut bien se platiner, mais on dirait qu'elle est coincée. Ah, bon, envoyez-la avec elle. Oh, allez, là, t'as ta yo-yo! going to lay down my burden. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. Going to lay down my burden. Well, down by the riverside. Well, steady ain't born no more, no more. Well, there ain't going steady war no more. Well, there ain't going steady war no more. Well, there ain't going steady war no more. Steady war no more. Sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Going to lay down my sword and shield, well, down by the riverside. But steady ain't war no more, no more. Well, I ain't gonna think about war no more. I ain't gonna think about my troubles anymore. I'm gonna think about my fiddle and bow. I'm gonna play by the river shore. I'm gonna think about troubles and war. I'm gonna steady sing and shout for joy. And I ain't steady war no more. I'm gonna try on my long white robe down by the riverside. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. Gonna try on my long white robe. Well, down by the riverside. To steady war no more, no more. Well, I'm gonna lay down the sword and shield no more. Fight on the battlefield. Stick my sword in the golden sand. Down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor. No more fighting in this land. Ain't gonna steady war no more, no more. Ain't gonna steady war no more. Ain't gonna steady war no more. Ain't gonna steady war no more. Ain't gonna steady war no more. Ain't gonna steady war no more. Ain't gonna steady war no more. Une nuit, 6 ans moins 5, elle marchait dans le corridor avec ses grands pieds, tu sais. Elle rêvait. Puis au bout, il y avait une porte qui donnait sur rien parce qu'on n'a pas construit l'aile à côté. Fait que j'ouvre la porte, j'assise à moins 5, on est au deuxième, tu sais. J'assise à moins 5, puis t'es sourde d'oreille, tu sais. Mm. Je dis, monsieur Lemonnier vous attend en bas. Aïe, aïe. A passé 3 semaines à l'hôpital. Tu sais comment on l'appelait après? 6 à moins 4. T'as savais? Oui, je l'ai déjà raconté au collège. Nous autres, c'est un grand frère. Je m'aide donc quand je raconte des affaires comme ça pour me rendre intéressante. Non, c'est intéressant. Quelqu'un qui raconte des histoires pour se rendre intéressant. Tout est fin. Je souhaite que le train, là, il reste pogné jusqu'à Saint-Gervais. J'ai d'autres nouvelles, monsieur le curé. Pas avant demain matin, il y a 6 pieds de neige sur la traque à Clouba. Peux-tu dire, Antoine, que monseigneur va passer la nuit dans le train, qu'il pourra pas officier la messe de minuit et réveillonner avec nous autres au presbytère? Mais c'est pas moi qui fait en fête, monsieur le curé. Pas d'humour, s'il vous plaît. Sir Joseph, apportez des couvertures à ces gens-là. Ils annoncent 45 degrés sous zéro. Je vous attends tous à la messe de minuit. La messe commence à minuit juste. S'il y en a parmi vous qui ont l'intention d'arriver en retard, ne venez pas. Venez à la messe de 8 heures demain matin. 8 heures juste. Merci, bonsoir. C'est minuit, la messe de minuit. L'église de la Grosse-Ville du village est aboutie au sanatorium de l'Assomption. Consomption à l'Assomption. C'est une chatte? C'est-tu que tu prends ta job à cœur, le jeune, tu vois pas, tu fumes pas? Tu pourrais au moins y lâcher la main ou à marier un des deux? Moi, je suis règlement. Le règlement. T'as pas honte de la veille de Noël? Qu'est-ce qu'il faut? Le règlement en haut ou bien le règlement en bas? Pour ça, il n'y a pas d'avenir dans la police. Non. Non, l'avenir est dans les affaires et un homme qui travaille à son compte. Comment c'est dans le personnel, toi, là, pour ramasser des petites filles comme ça, là? Il voulait pas être police. Il voulait être entomologue, vendre des insectes. Des insectes? Des insectes. Il n'y a pas d'avenir là-dedans, les Américains. Ça, t'as pas inventé. Comment ça s'appelle ça, là? Un insectifuge. J'aurais plus de maudit insecte dans le monde dans 10 ans. Non, non, non. Mais l'avenir est dans quoi? Et dans les affaires, dans la technique. Si vous voulez me vendre une machine, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, hein? Au moins, dans mon métier, on va pas te dire à personne. Je suis pas sûr de ça, moi. Ben, oui, je suis. Ça me fait drôle de dormir à côté d'un homme. Dormir? Ben, quand on est forcé, c'est pas péché. C'est comme quand on est obligé de manquer la messe. Ça s'appelle des empêchements majeurs. Mes répétos dorés. Tu te sens bien? Je suis très très bien. Je t'aime bien. J'ai même des petits bas, tu vois. Couleur chair. Sinon, ça colle aux pieds. Je vois de quoi tu parles. Tu mets des fois des petits bas couleur chair comme ça? Non, ça c'est une autre étape pour moi. C'est un truc à. Je n'en suis pas là. T'as pas 40 ans? Non.

la la. Un autre bain, si tu veux. Non, je dors jamais en voyage. Ah. Bon, le J majuscule est là. Mm-hmm. Ouais, pèse là, il est là, là. Le au côté. Tu vois, il est facile à trouver, là, au côté, là. Bon, c'est ça. Tu fais attention parce que des E en français, il y en a pas mal. Il y en a des accents, il n'y en a pas d'accent. Oh, attention. Le M, dans Je t'aime, c'est... Mais je pense que c'est pas certain. Je pense qu'on prend pas de M dans Je t'aime. Là, il y a une petite palette en bas, là, le tabulateur. Tu pèses là-dessus, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Remington? Ah, ça, c'est le nom de la compagnie, ça, pour qui je travaille, ça. Ah. Tu sais pas que ça nous fait, ça. Oui, donne-moi ton bras. Quoi, donne-moi, je t'avais donné un coup de secrétaire. Ben, moi, j'ai des instructions. Des instructions. Cours d'emprunt des vrais bandits, au lieu de courir après une petite fille innocente comme ça, il y a un gars dans le village qui a tué sa femme et ses enfants à coups d'hache. Cours d'emprunt. Bonne chance là, toi. Allez, faites vite. Où tu? Elle pourra se griller dans une machine, taper des contrats, elle niaisera pas à l'orphelinat. Tu sais qui me dit que c'est pas une machine volée, ça? Oh, elle me nœud. Vous des papiers d'identification? Oui, monsieur. Vous avez des preuves d'achat? Oui, monsieur Risson. Vous avez le numéro de série? Oui, monsieur Risson. Allez donc chercher ça. Mais allez chercher ça. On trouve de moins clé des maisons. Je l'ai jeté dans la poche. C'est à cause de ça je peux t'envoyer à l'école de réforme en prison. Lâche-moi donc, tu me fais pas peur. Écoute, Claude. Lâche-moi, tu profites des menaces passées. Essayez quoi? Oh oui, les sœurs m'avertissent souvent. Vous autres, les hommes, m'ont fait... Je pense pas à ça. Oui, oui. Je l'ai vu dans tes yeux, tu me regardes bizarre. Tu me regardes avec la luxure. Je te regarde pas avec la luxure. Tu continues de chicaner d'amoureux, mais tu vas voir mes papiers. Pas chicaner comme ça, le jour de Noël. C'est là. Jésus va pleurer. Parce que Jésus va venir au monde, là, dans exactement... Ah ben, ça fait le maudit, t'es revenu depuis 5 minutes. Vous avez fait marier. Joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Will it never stop rocking till the moon went down? Oh, it sounds so sweet. Gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, I'm clapping my hands. Well, the joint started rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Really never stop rocking till the moon went down. In school. They ain't said I broke no rules. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown. I don't run around with no mob. Got myself a little job.

Ouais, tu deviens une viande, quelque chose de pas comestible là, quand on te regarde. Ouais, mais là, alors est-ce que je suis froide? Ben, c'est le bien, te sens-tu morte? Ben, je me sens mort, moi là, je suis tellement épuisé. Ben écoute, on va te donner un petit peu d'énergie. Piano, ça, ah mon doux, c'est André Gagnon. C'est pas aussi bête que chez vous, vous êtes. Tu peux bien dormir tranquille. Traverser le ciel, ce sera pas un pack. Tu peux bien dormir tranquille. T'es super bâti, t'es super d'entrée. Tu peux bien dormir tranquille. Tes enfants reviennent de s'en aller. Tu peux bien dormir tranquille. Eh oui. Maintenant, c'est le silence. C'est maîtrisé de main. Non, c'est demain. Demain, c'est un autre jour, mais la main, c'est maintenant. Oh, et maintenant. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui? Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Ah bon, mais attends-moi, tu vas. Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. C'est. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as sifflé tout mon whisky. Et puis j'ai grandi. Puis je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumier, tu as fait du baratin. Tu l'as embrassé dans les coins. Et ailleurs. Dès que j'avais tourné le dos. Et le chameau. Je suis parti avec elle, vieux canard. Ouais, je sais. Oui, je suis parti avec elle, vieux canard. En emportant la vaisselle, le cylindre en terre, tes cassettes au magnéto, vieux chameau. Fumier, ordure, etc. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Ah ah. Ouais, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Aïe, aïe, aïe. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai bon coup. Pas moi. Et que je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. Mais on te mettra dans une tombe, ah bon, vieille canaille, vieille canaille. Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille. Ça m'étonne pas. À coup de petite verre de vie, la plus belle cuite de ma vie sera pour tes funérailles, vieille canaille. Vieille canaille. Joyeux Noël. Santé. Prospérité et beaucoup d'enfants. Joyeux Noël tout le monde! Pas bien chrétien, mais faut être fait que c'est pareil. Hey, c'est Noël, le grand chef, on se réveille, c'est Noël. Jésus est arrivé. Hey, les Indiens, petit papousse, on se réveille. Madame, vous? Hey, les bonnes nanas, levez-vous, c'est fun. Noël est arrivé, voyons les bûcherons. Va chercher ton violon, Noël. Ton violon, sors ton violon, on a du fun. On n'aurait jamais eu de femme de même, regarde. Mais non, t'es pas niquée, toi, non, on le sait. Bon, je vais être de toi. Pas tranquille, Caro. Carla, fais-tu comprendre qu'il était juste un peu fait. Non, mais c'est juste des habitants. T'es pas niquée, toi, non, on le sait. Je vais être de toi. Pas tranquille. Oh, il y a qu'on a plus de tam-tam. Ah, va chercher, il y a là. Assieds-toi ici, t'as quelque part, là. OK, on commence même à tirer de réchauffer la main. OK? Mais c'est bon, quand le temps est bon, Vous allez m'accompagner. OK, tout le monde répond? La première fois, j'ai l'impression de passer dans l'infamie. Impossible. T'as jamais connu tes parents? Non. C'est le gouvernement qui m'a donné le nom, la chance. Impossible. Que j'étais chanceuse. C'est sur la porte, je n'ai que des fesses, vous m'avez dit, vous m'avez donc, vous m'avez laissé là. Vous m'avez laissé là. C'est sur la porte, je n'ai que des fesses, c'est sur la porte, je n'ai que des fesses, c'est sur la porte, d'accord, pour la ramener des stambons, vous m'avez dit, vous m'avez donc, vous m'avez laissé là. Reviens donc. Qu'est-ce que t'as vu? Rien. Ben, les autres, on s'amuse. Toi, t'as pas l'air bien. J'en ai assez, moi, là. Je serai plus ton chien de garde, puis je serai plus chien de garde à personne. Tu quittes la police? Ouais, je te laisse partir, tu peux t'en aller. Ben, où tu veux que j'aille? Va-t'en où tu voudras, va-t'en! J'ai pas d'argent, pas de parenté, mais il fait 40, tu sais. Hein, vous êtes parlé de la fête. C'est le jour de Noël, on prend un coup, on s'amuse, on danse. La machine, ça vendrait à 10% de moins qu'aux États. Oui, mais dans son... La machine, elle m'intéresse pas. Toi, tu m'intéresses pas. Puis les États, là, fous-toi là dans le cul, hein? 20%? Si vous avez faim, gênez-vous pas. Il y a des raisins, des bananes. Non, merci. Qu'un appareil à soupir, un appareil à soupir à ce jeu. Je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de quatre soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. On ne gagne que des gros soupirs à vouloir tant assouvir tout ce jeu. Ne sait quoi d'art ni mal en soi qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrai qu'en rougir. Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que celle qui pour moi soupire. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu ne m'aimes pas. J'y perdrai le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrai qu'en mourir. Et ne pourrai qu'en mourir. Et ne pourrai qu'en mourir. Vous savez, c'est un pays dur ici. Des mineurs, des bûcherons, des étrangers. Une femme seule risque d'avoir des ennuis. Puis ce genre d'ennuis-là, vaut mieux essayer de les éviter. Comprenez? Oui, oui. La luxure. Ben oui, la luxure. Un beau mot. Bien vilaine chose. Des fois, c'est le contraire. Vous allez prendre un peu de vin en mangeant. Est-ce que vous préférez du Bourgogne ou du Bordeaux? Du blanc ou du rouge? Blanc. Ah, excusez-moi. Est-ce que Claude Lachance est ici? Ah oui, et j'ai même l'impression qu'elle vous attend. Entrez, vous allez réveillonner avec nous. Oh non, c'est son cadeau de Noël. Entrez, voyons. Entrez, enlevez votre manteau. Mettez-vous à votre aise. Après tout, la police et l'Église, on est fait pour s'entendre, non? Remarquez, je dis ça, mais j'en crois pas. Mais ce que je crois, par contre, c'est que la dinde est prête. Ouais, la dinde est prête. Oh, c'est pour moi. Et t'es fin. Quand je pense que Monseigneur ne voit que du Bordeaux, et... je crois qu'il a tort. Ma sœur, voulez-vous, s'il vous plaît, leur dire que le repas est servi? Tenez. Vous allez remettre cette lettre-là à votre supérieur. Vous ne serez pas puni. Sœur Joseph, si vous décidez de retourner d'abord, bien entendu. Sœur Joseph, allez donc préparer du lit dans la pièce à côté. Vous allez coucher dans la même chambre, mais pas dans le même lit, évidemment. Bien évidemment. Vous avez raison, M. le curé. J'étais ingrat. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut parfois savoir attendre pour profiter de sa liberté. Pour mieux profiter de sa liberté. Vous savez, le petit Jésus, quand il avait votre âge, il habitait encore chez ses parents. Excusez-moi. Comprenez ce que je dis? Oui. Je vais attendre. Je vais retourner là-bas. Vous le décidez. Bon, ben, moi, je suis fatigué. Je vais monter me coucher. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as tout donné, tu m'as tout chanté, tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as fait jiguer, tu m'as fait danser, tu peux bien dormir tranquille. Du bœuf à élever, du bois à couper, tu peux bien dormir tranquille. Mille carrés de forêt sucrée, tu peux bien dormir tranquille. Hey, Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Tu peux bien dormir tranquille. Mes premiers bonheurs, tu les as fêtés. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as fasciné, tu m'as chaviré. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as espéré, tu m'as fait rêver. Tu peux bien dormir tranquille. Hey, Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Si belle bouche, bougouac, tu peux bien dormir tranquille. Narcissé, tu seras pas un pack, tu peux bien dormir tranquille. T'es bien bâti, t'es bien ancré, tu peux bien dormir tranquille. Les enfants viennent à lieu de s'en aller, tu peux bien dormir tranquille. Hey, Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Hey, Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, oh Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Ouais, tu peux bien dormir tranquille. Grand Saint-Georges, prie pour nous. Ma sœur, vous allez débarrasser la table et puis tout ranger parce que Monseigneur peut arriver assez tôt demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le curé. Vos deux lits sont prêts. Je pensais que tu voulais plus me voir. Changer d'idée. Tu viens me chercher? Pas comme tu penses. Hey, c'est beau ici. C'est un curé à mode, hein? On a bien mangé. pas à table, surveille. Ben non, voyons. Hey, j'ai pas aimé ça ce qu'il t'a dit, Thierry. La liberté, c'est pas ça. On va te comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que personne t'oblige à moi. Non, non, mais... Il est trop sûr de lui, cet homme-là. Il parle trop bien. Il est trop intelligent. Il est comme le sergent à Montréal. Fais ce qu'il dit. Puis là, t'es libre. C'est ça que tu veux. Regarde-moi, Claude. C'est ça qu'on veut. Toi. Ouais, la liberté vient de finir. Puis l'esclavage revient. Oh, plus des crayons, c'est à moi, ça. All aboard, en voiture. Tout le monde à bord. All aboard. Et c'est ainsi que Hervé Quentin, qui voulait étudier les insectes, après avoir été 3 mois policier, devint vendeur de dactylographes. Il épousa Claude Lachance un 3 juin. Et ils eurent 3 enfants. Dont l'aîné, après avoir songé à devenir poète, devint écologiste. Au changement, ça boit une bière pour faire semblant que c'est relax, que c'est pas chiant. L'aiglan qu'il penche à gauche, qu'il porte à droite, c'est des timides aux idées étroites, pointés du doigt par une cravate, ils sont toujours un petit peu moites. Ça crouse à mort et puis ça glande, ça boit du fort, puis ça débande, ça fait la gueule, une tête de gland, puis ça dégueule et ça fout le camp, évidemment. Les glands, y'en a partout, chez les militaires, chez les curés, dans les monastères. Y'en a plein, le gouvernement, chez les tapettes, les gens ordinaires. Y'en a partout, de plus en plus, dans les métros, les autobus, leurs cellulaires, leurs superbus. Et parfois même, y'en a qui... sus. Les glands, c'est fait pour faire des enfants, mais ça veut pas faire d'enfants. De plus en plus, et c'est notoire, ça les fait sans le savoir. Les glands, attaquer un gland, c'est du sérieux. Faut prendre son temps, pas être nerveux. Faut les mouiller, les astiquer, des petites pichenottes sur le bout du nez. Et si parfois, tu les vois qui tendent, qui dégringolent comme une guirlande, faut que tu les ramènes avec la langue. Les glands, y a des glands de toutes les couleurs, ceux qui sont à voile, ceux qui sont à vapeur. Y a des glands d'artistes qui bandent sur toutes les choristes, des glands anticonformistes, des glands contentionnistes, séparatistes ou fédéralistes, xénophiles ou bien racistes. Mais contrairement à tous les cons, sur un gland, y a pas de date de péremption. Pourtant un gland, des fois c'est génial. C'est beaucoup moins pire que ce qu'on dit dans le journal. C'est sensible et délicat, léger et adéquat. Doux comme de la soie, moelleux comme du chocolat. Agité du bout des doigts, assaisonné au choix. Surtout ne pas conserver au froid. Assurez-vous, et c'est important, de le garder hors de la portée des enfants. Ça vieillit, ça refait pipi au lit. Ça devient tout mou, puis ça balotte, tout plein de plis sous la capote. Et puis ça meurt, évidemment, comme tous les glands. Ça fait des sacrés enterrements, des tonnes de glands qui se tiennent en rang, qui versent une goutte de blanc dans des mouchoirs blancs pour pleurer un président décédé démocratiquement. Les journaux font de l'argent, puis là tous les glands sont contents, évidemment. La morale de cette histoire, c'est qu'on est tous un peu des glands. On confond les urnes et les urinoirs, la politique et les antibiotiques. Que si on élisait des cons au pouvoir, un grand pas pour l'histoire. Des glands, y en a partout, tout le temps. Des glands, y en a partout, tout le temps. Des glands, y en a partout, tout le temps. Des glands, y en a partout, partout, tout le temps. Des glands. Et merde, il faut faire vite, sinon il restera que le klaxon. Oula, y'a la cité Merzo qui nous ont volé notre ballon de foot. Tout le monde en monte à la barrière, amener les roches, amener les pierres. Oula, la, la pauvre Mustapha, l'a reçu un coup sur le cabochon. Oula, ça c'est une pauvre Mustapha, allez, on fout le camp, c'est des cons. Elle donne moi, elle donne arba, elle donne moi, elle donne baba, elle donne moi. Et on achète des olives noires. Il y a les rues, il y a le port. En bas c'est la Casbah. Les enfants, les Mac, les Fatma et la mer Méditerranée. Derrière chez moi à El Diyar, il y a le marché noir. Les vieux sont assis en tailleur, les femmes qui vendent des porte-bonheur. Si tu voyais la marchandise, les bijoux et les friandises, les couteaux super acérés sur les tapis dans les paniers. Il y a du sang sur les balcons. Après pour enlever la peau, on gonfle avec la pompe à vélo. Allah ya baba, Allah ya baba, Asma, Allah. oiseaux vont se réchauffer. Allez, j'étais sur la chaussée. Et puis là, là, oui, par milliers, je me fais écrabouiller. Hey, je te jure, mon frère, il a neigé, hier à Alger. C'est là aussi que je l'ai connu. La première fille que je l'ai perdue. La première fille que je l'ai aimée. La première fille que je l'ai caressée. En face, il y avait la Casbah. Les enfants, les Mac, les Fatma, les Olivets, les Oliviers, la mer Méditerranée, la mer Méditerranée.